Est-ce que tes cheveux blancs sont naturels? Car moi je le suis avec toi, Angel. À mes chansons resteras-tu fidèle? Car moi je le suis avec toi. Mais dis-moi tout, dis-moi tout ce que tu penses de moi. Vas-y, donne tout, oui, donne tout, Angel. Chacun rentre chez soi.